Bien, frères et sœurs, aujourd'hui le Seigneur commence encore, enfin nous avons déjà commencé il y a quelques jours, mais met les pieds un peu plus dans le plat de la fin des temps. Vous savez, nous sommes justement dans la fin de l'année liturgique et à chaque année, eh bien nous nous posons la question de la fin des temps. Hein, le Seigneur nous éclaire sur cette fin des temps qui va arriver. Alors, il faut bien comprendre que ce que Jésus veut nous dire, hein, cette fin des temps, bien sûr, il y aura un jour où le Fils de l'homme va revenir. Il va revenir régner sur la terre. Et il va, à ce moment-là, faire le grand jugement, le jugement dernier. Mais cette fin des temps, il ne faut pas que nous attendions ce jour-là pour nous préparer. Il faut que nous ayons bien conscience qu'elle arrive aussi dans notre vie, à tous, et avant même la fin des temps. La fin des fins des temps, plutôt. Nous avons tous la fin de notre temps sur la terre. Et cette fin, c'est le jour de notre mort. Et nous devons nous préparer à cette fin tous, aujourd'hui, maintenant. Parce qu'il se peut que ça arrive maintenant. Et c'est ça que le Seigneur essaye de nous faire comprendre. Vous voyez, lorsqu'on lui demande quand est-ce que ça arrivera, il dit toujours, ne vous inquiétez pas, ça viendra en son temps. Vous préparez-vous, soyez prêts, maintenant. C'est ça l'important. Et alors aujourd'hui, il nous parle de cette fin des temps en nous éclairant sur l'Écriture. Et il va nous éclairer sur deux grands événements de la Sainte Écriture. Vous avez entendu, il nous parle de l'événement de Noé et de l'événement de Lot. Alors, si vous ne vous rappelez pas bien l'événement de Noé, je pense que tout le monde s'en souvient, cette histoire au début de la création, alors que le péché a proliféré complètement sur la terre, tout le monde vit comme si Dieu n'existait pas. On s'occupe uniquement des affaires de la terre. Et on se laisse complètement enfumer par les affaires de la terre, en imaginant que ces affaires terrestres sont aussi importantes que Dieu. Et on divinise et on adore ces petites affaires. Sa femme, ses enfants, c'est très bien. Son argent, c'est très bien. Mais tout ça devient des dieux. Et Dieu n'existe plus. On est complètement obnubilé par ces choses-là. Et alors on contemple peut-être les choses de la création, et puis on divinise les choses de la création sans penser à leur créateur. C'est ce que la première lecture a voulu nous faire comprendre aussi. Que c'est très bien d'aimer la création, c'est très bien d'être écologique. Mais il ne faut jamais oublier qu'il y a un créateur. Et c'est lui que nous devons adorer, et c'est lui qui nous éclaire sur ce qu'il faut faire dans la création. Alors, dans l'histoire de Noé, eh bien, à un moment donné, Dieu annonce à Noé, qui est un homme juste, peut-être le seul homme juste, le seul homme qui adore encore Dieu, eh bien, puisqu'il adore Dieu, il peut lui parler et lui dire de créer, de construire une arche. Une arche de bois. Et cette arche, vous savez qu'elle est le symbole préfigurant le mystère du Christ. Cette arche de bois dans laquelle les hommes sont invités à entrer pour passer à travers le déluge, passer à travers le mystère de la mort qui doit tout emporter. Cette arche de bois, le Christ lui-même, dans son humanité, y est monté. C'est le mystère de la croix, cette croix de bois à laquelle le Christ a voulu s'unir pour nous apprendre à nous unir à elle et ainsi traverser le mystère de la mort. Et ce mystère de la mort, il est préfiguré par les eaux du déluge, ces eaux qui vont tout recouvrir. Première annonce du baptême, frères et sœurs. Ce baptême qui est cette eau qui recouvre l'homme pour l'entraîner dans la mort, mais non sans l'avoir uni à Jésus crucifié sur la croix. Vous avez déjà une préfiguration du baptême. Ensuite, Jésus parle de Lot, cette histoire de Lot, où le feu va descendre sur la ville de Sodome. Vous savez, Lot habitait à Sodome, et à Sodome, on faisait n'importe quoi. On adorait tellement les choses de la terre qu'on les détournait totalement de leur destination. Et on les utilisait uniquement pour le plaisir des hommes, des plaisirs futiles, des plaisirs qui dénaturent l'homme. Et à ce moment-là, Dieu voit Lot, qui est le seul juste de la ville de Sodome, et le prévient, attention, je vais faire tomber le feu sur Sodome. C'est le feu de mon amour, mais cet amour, lorsqu'il touche le péché, il le détruit. Alors toi, fuis. Fuis et ne regarde pas en arrière. Ne regarde pas en arrière. Alors, c'est ce que Seigneur Jésus essaye de faire comprendre à l'humanité. Vous voyez, vous vivez tous dans un monde rempli de péchés, et vous aussi, vous êtes touchés par le péché. Votre âme, elle est pleine de péchés. Vous ne les voyez pas peut-être, mais demandez au Seigneur de vous éclairer pour pouvoir fuir ce péché sans jamais regarder en arrière et en vous disant « Oh, c'était quand même mieux quand je péchais. » Fuyez ce péché de toutes vos forces, sans regarder en arrière, avec le seul désir de trouver la paix dans les bras de Dieu. Et le feu descend sur la ville de Sodome et la détruit entièrement. Entièrement. Seulement, Sarah, la femme de Lot, je ne me souviens plus son nom, je ne sais pas si elle a de nom d'ailleurs, je crois qu'elle n'a pas de nom. Cette femme, vous voyez, dans sa fuite, se retourne en regardant la ville brûlée, et à ce moment-là, elle se transforme en statue de sel. Elle aussi, elle est perdue. Parce qu'elle a regardé encore vers son péché, elle n'a pas voulu le quitter vraiment. Elle s'est laissée reséduire par le péché. Alors, vous voyez, encore une préfiguration du baptême. Pourquoi ? Eh bien, parce que, comme nous dit Jésus lui-même, qui nous baptisera dans l'eau. Non, Saint Jean-Baptiste nous dit que le Christ nous baptisera dans l'eau et dans le feu. Le feu du Saint-Esprit qui vient brûler notre péché pour nous sanctifier. Nous sommes baptisés dans l'eau et dans le feu. Ces deux histoires sont là pour nous parler du baptême, de ce que nous devons faire pour le baptême. Nous accrocher, nous unir à Jésus crucifié, qui n'empêchera pas les épreuves, mais qui nous pourra les traverser dans sa grâce et fuir de toutes nos forces ce qui nous attache à la terre par le péché, de toutes nos forces, sans regarder en arrière. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, vous voyez, c'est la réponse que Jésus donne sur la question de la fin des temps. Ne vous inquiétez pas du jour ou de l'heure. Vous, aujourd'hui, maintenant, attachez-vous à moi, aimez-moi, aimez ma croix, aimez mon sacrifice. Lorsque vous venez à la messe, vous allez voir mon corps crucifié pour vous. Dites-moi que vous m'aimez. Dites-lui-moi du fond de votre âme et pas seulement du bout des lèvres. Attachez-vous à moi et partout où vous irez, soyez avec moi. Parce que partout, eh bien, il y aura du danger. Et ce faisant, fuyez tout ce qui vous empêche de vous unir à moi, c'est-à-dire fuyez votre péché. Regardez au fond de vous-même, telle ou telle action que vous posez quotidiennement ou pas, mais de temps en temps, tel acte qui, vous le savez, vous éloigne de moi, vous dénature, vous fait du mal et fait du mal autour de vous. Fuyez-le, demandez ma grâce pour pouvoir décider sans retour de cesser et de changer de vie. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Voilà ce qu'il nous invite à faire pour traverser la fin des temps qui est toute proche. Et alors, à la fin, vous avez vu les disciples qui ont bien compris ce que Jésus leur dit. Demandent, mais où ? C'est-à-dire, de quelle manière ? Comment ? Nous pouvons faire ça. Où est-ce que nous allons trouver cette force? Où est-ce que nous allons trouver cette croix? Où est-ce que nous allons trouver ce feu? Jésus dit, là où se trouve le corps, là se réuniront les vautours pour essayer d'arracher le corps, de le déchirer. Là où se trouve le corps, frères et sœurs, quand Jésus parle de ce corps, il parle de l'Eucharistie et nous indique le lieu où il se trouve, le lieu où nous pouvons vivre cette union intime avec lui sur la croix, ce lieu où nous pouvons vivre cet arrachement au péché, là où se trouve le corps, c'est là que vous devez être. Là où se trouve le corps, c'est l'Eucharistie, mais c'est aussi l'Église formée par le corps de Jésus. Le corps du Christ, c'est nous qui vivons de l'Eucharistie. Alors, frères et sœurs, nous sommes au bon endroit ce matin. Nous sommes en Église, dans l'Église, pour nous unir à Jésus dans l'Eucharistie. Et c'est comme ça qu'il nous sauve et qu'il nous fait traverser la fin des temps paisiblement, sans angoisse. Les vautours pourront bien se réunir autour de nous pour nous déchirer ils ne pourront rien, car nous sommes dans l'arche, nous avons fui Sodome, nous avons fui Sodome, et nous sommes sauvés. Alléluia. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.